Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, l'orque. Si le lion est le roi des animaux sur Terre, l'orque, elle, règne sur les mers. C'est le super prédateur par excellence. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, on ne lui connaît aucun ennemi, en dehors de l'homme, faut-il le rappeler, et même lorsque son chemin croise celui d'un requin blanc, tous deux ont tendance à s'ignorer. Pas finir entre ses dents qu'elle possède nombreuses et robustes, manchots, jeunes baleines, dauphins, morses, phoques, et j'en passe. Son nom est aussi associé à la puissance, de par ses mensurations. La nageoire dorsale tendue du mâle qui peut faire plus d'un mètre de hauteur, voire deux. De par sa nage, de tous les cétacés, l'orque est la plus rapide. La liste des superlatifs et des louanges ne s'arrête pas là, car l'orque est aussi remarquablement intelligente, dans le sens où elle trouve des solutions à des situations inédites en adaptant son comportement, dans la mise au point de nouvelles stratégies de chasse par exemple. Car ces cétacés sont des créatures extrêmement sociales, ayant des interactions fortes par le toucher, le contact visuel et les émissions sonores. Jamais vous ne croiserez d'orques ermites et solitaires. Bien au contraire, ces animaux vivent en groupe, s'organisent entre eux pour chasser et s'entraident. Ainsi, lors de la mise bas, une orque viendra assister la mère et l'aidera à porter le petit à la surface afin qu'il puisse respirer. Autre fait remarquable, les séances d'apprentissage chez les orques qui transmettent à leurs petits les subtilités de leur technique de chasse. Comment, par exemple, provoquer une énorme vague pour faire tomber un phoque de son morceau de glace? Comment s'échouer volontairement sur une plage pleine de phoques, histoire d'en attraper un tout en profitant de son élan pour retourner au plus vite dans la mer? Technique de haut vol, très risquée, qui peut donner lieu à quelques ratés, mortels pour elle, les petits doivent donc s'entraîner. Les séances d'apprentissage sont là pour ça, avec leurs exercices pratiques, comme à l'école. On se doute bien que plus on vient en groupe, plus le besoin et l'envie de communiquer sont grands, contrairement aux créatures solitaires qui peut-être soliloquent. Les orques, nulle surprise à cela, ont des choses à dire. Elles ont donc un répertoire sonore important. Leurs lèvres phoniques placées au niveau des évents leur permettent de produire une très grande diversité de sons, allant des vocalises aux mugissements, en passant par des sifflements, clics et autres buzz. Des sons qui contribuent à la structuration du groupe, à la transmission culturelle mère-jeune. Il existe aussi des signatures sonores familiales, claniques ou géographiques. Une véritable palette sonore qui résonne en haute mer, comme près des côtes, et dans les océans du monde entier, car ultime qualité, l'orque est cosmopolite. Pas si bête. Une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Olivia Adam de l'Université Pierre et Marie Curie et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Paulry.